Le duel au dîner par Charles Moncelet. On arriva sur le terrain. C'était une salle à manger, lambrissée de chêne et tendue de cuir, brillamment éclairée, haute, gaie et superbe. La table était servie avec une exagération d'abondance, mais on n'y voyait que deux couverts, les couverts des deux adversaires. Des motifs de convenance m'obligent à ne désigner ces deux adversaires que sous les noms transparents d'Ernest et du comte Falbert. Je vous les donne d'ailleurs pour deux gentilshommes accomplis, tous les deux dans la force de l'âge, braves, élégants, spirituels, avec cette pointe d'originalité britannique qui assaisonne si bien le caractère français. Pourtant, la veille, au cercle, un de ces deux hommes, je ne dirai pas lequel, avait gravement offensé l'autre, si gravement qu'un duel avait été jugé indispensable. Également fort à l'épée et au pistolet, ils dédaignèrent d'employer les armes ordinaires, gourmands l'un et l'autre, dans l'acception la plus héroïque et la plus recherchée du mot, Ernest et le comte Falbert convinrent de se battre au dîner. Pour être inusité, ce duel n'en devait pas moins être sérieux et redoutable. Les conditions en furent scrupuleusement réglées par les témoins. On mangerait à outrance, l'un devant l'autre, sans interruption, et jusqu'à ce qu'un des combattants fût hors de combat. Au premier aspect, cela peut faire sourire, au second, cela devient horrible. « Allez, messieurs, » dirent les témoins. À ce signal, les deux adversaires s'assirent après avoir échangé un salut. Les témoins avaient pris place à une table à côté d'où ils pouvaient surveiller toutes les péripéties du combat. Il était 6 heures du soir. À minuit, le dîner, qui se composait de 3 services exorbitants et exquis, était terminé, sans qu'il y eût un avantage marqué d'aucune part. Ernest souriait. Le comte Falbert avait dîné, voilà tout. Les témoins firent un signe au maître d'hôtel. « Rechargez !» dirent-ils. Immédiatement, un deuxième dîner fut servi, absolument pareil au premier. Même grosse pièce, même grand bain. Cette fois, l'attitude des partenaires se détendit un peu. La parole ne leur avait pas été interdite. Ils n'en avaient usé d'abord que discrètement. Cette seconde épreuve leur délia la langue. À quelques paroles de simple politesse succédèrent de courts propos en manière d'appréciation sur les mets qui leur étaient soumis. « Excellent ce rôti de grive, » murmura Ernest. « Je ne partage pas complètement votre goût, » répliqua le comte Falbert. « Le genièvre dans les grives me paraît une hérésie. » Cependant, tous les classiques de la table, j'ai pour moi tous Nel. » Ernest s'inclina. Quelques instants après, ce fut au tour du comte Falbert à formuler le vœu suivant. « Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, monsieur Ernest, nous laisserons le vin de l'Ermitage pour demander du Latour Blanche. À votre aise, monsieur le comte. » Il semblait que le premier dîner n'eût été que l'absinthe de celui-ci. Les témoins commencèrent à se regarder d'un air stupéfait. Inutile de dire que leur rôle, d'actif qu'il était au début, était devenu purement contemplatif. « Soupons, » dit le comte Falbert, lorsque la dernière goutte de café eut été savourée. « Soupons, » répéta Ernest. Le cas était prévu. Les consommés, les viandes froides, les écrevisses, les salades à la rue se succédèrent, mêlées au vin du Rhin, au vin de Porto, au vin de Champagne. Le souper fut animé, bruyant même. Cela devait être. Le duel entrait dans sa période décisive. Chacun des combattants serrait son jeu, tout en surveillant de l'œil son vis-à-vis. Ernest mangeait plus brillamment, le comte Falbert plus correctement. On reconnaissait du reste en eux une méthode parfaite, la tradition des maîtres au service des muscles d'acier. Chacun semblait certain du triomphe. Aussi, il y avait maintenant du défi dans leurs paroles. La raillerie perlait au bord des verres, les épigrammes naissaient aux pointes des fourchettes. Cependant, les joues d'Ernest se coloraient insensiblement. Le comte Falbert s'en aperçut. « Désirez-vous qu'on ouvre cette fenêtre, monsieur Ernest? Vous paraissez avoir bien chaud. » Ernest lança un regard terrible. Le souper continua. Deux témoins avaient cédé au sommeil. Les deux autres veillaient. Il avait été convenu qu'ils se relèveraient d'heure en heure. À un certain moment, Ernest voulut chanter. Les témoins de quart réprimèrent cette velléité de mauvais goût. « qui avait été soigneusement écarté du programme par ce motif que les champs facilitent le travail de la digestion. Cette faute constituait un désavantage marqué pour Ernest. Cela équivalait à un premier sang. Il était visible d'ailleurs qu'Ernest luttait contre les premières atteintes de l'ivresse. Ses regards cherchaient un point d'appui. Un léger tremblement agitait ses mains. « Vous vous arrêtez ?» dit le comte Falbert. Ernest ricana, et pour toute réponse, il vida trois coupes de champagne. Il fut imité avec tranquillité par le comte. Tout à coup, un jet de pâleur se répandit sur le visage d'Ernest, qui mit un de ses coudes sur la table et devint rêveur. Après avoir attendu pendant quelques minutes la fin de cette rêverie, le comte Falbert lui dit froidement « Faites-vous des excuses ?»« Déjeunons !» cria Ernest. Les témoins bondirent à cette exclamation inattendue. Ils se concertèrent un instant et finirent par se rendre au désir de leur client. Le jour était arrivé, le jour et le soleil, une belle matinée pour déjeuner. Ernest semblait avoir retrouvé de nouvelles forces. Il fondit avec impétuosité sur les huîtres, il se rua sur les châteaubriands, il se colleta avec le sauterne. Ce n'était plus de l'émulation, c'était du transport, du délire. Le comte Falbert le suivait pas à pas, sans paraître autrement s'inquiéter de cette gymnastique. Puis vint un moment où le beau feu d'Ernest s'apaisa, ou plutôt se transforma. La rage fit place à la mécanique. Il mangeait sans savoir, insciemment, fatalement, avec un bruit de mâchoire régulier, monotone, insupportable. Cela dura ainsi jusqu'à midi. À midi, Ernest essaya de se lever pour porter un toast aux divinités infernales. Ce mouvement devait lui être funeste. Il glissa sur les talons et tomba de tout son long sur la table. On attendit quelques secondes. Rien. Le parquet ne rendit pas son convive. Alors, d'un commun accord, les témoins déclarèrent l'honneur satisfait. Les deux adversaires avaient lutté pendant 18 heures, et le comte Falbert mangeait toujours. C'était le duel au dîner par Charles Moncelet.